voudrait te parler de l'argent. Fais attention à son pouvoir qui a perdu beaucoup trop de gens. Il peut te retourner complètement. Et si tu crois que c'est ton ami, en fait tu te trompes totalement. Si avoir plein d'argent pour toi ça représente beaucoup de pouvoir, pour d'autres ça représente des morts, des vols et des abus de pouvoir. Alors maintenant c'est à toi de voir si t'es devenu son esclave. Et si sans aucun égard t'écrases tout ce qui t'entrave, plus t'en auras, plus t'en voudras et plus t'auras peur de le perdre. Et si ton bonheur dépend de ça, crois-moi que t'es en train de te perdre. Y'en a qui trahissent leurs parents, leurs frères et collectent au boulot. Et à la fin du mois ils sont fiers d'avoir un peu plus d'euros. Il faudrait plus qu'aucune famille dispute pour les héritages. Des frères et sœurs qui ruinent leur mère et qui se regardent avec rage. Non, c'est plutôt des fins, je crois pas qu'il aurait voulu. Des histoires entre les siens et que vous vous parliez plus. Avoir des comptes pleins à la banque, en fait ça sert à rien. Vaut mieux partager ses biens et avec s'occuper des siens. Y'en a qui gardent tout pour demain, qui ont peur pour leur destin. Ils comprennent pas que ça sert à rien, dans leur tombe ils en portent rien. Y'a beaucoup de choses qui s'achètent pas, même si ton compte il est garni. Y'a beaucoup de choses que t'auras pas en fait, car elles ont pas de prix. Entre la boîte est llena, y'a des tacos à salir. Si el dinero no te falta, cuida de tu porvenir. Y'a beaucoup de choses qui s'achètent pas, même si ton compte il est garni. Y'a beaucoup de choses que t'auras pas en fait, car elles ont pas de prix. Entre la boîte est llena, y'a des tacos à salir. Si el dinero no te falta, cuida de tu porvenir. Profesores sobornados, manejados por la pasta. Desde el comienzo del curso, vuestras notas se subasta. El que agrade al magistrado siempre tendrá un aprobado. Pero el que va al desagrado, ese habrá suspendido. Hay dinero mal gastado porque hay gente que lo gasta sin haberlo trabajado. Tanta pasta vuelve loco al abogado y pierde el juicio. Sí. Del juicio a beneficio hay que hacer un sacrificio porque el precio de esta vida necesita de un oficio. ¿Cuánta gente está majara por la pasta que no gana? Otros tantos ven difícil cómo pasar la semana. Piensa cuántos están locos porque el dinero les pierde. Necesitan una ayuda porque no se les entiende. Comprende que se compite por dinero. El problema se hace grande cuando la cuenta está cero. Se despierta de ese sueño cavilando placentero. Que lo único que importa en esta vida es ser sincero. Pero piense más allá de lo que vemos con los ojos. Que esta vida no está hecha para que echemos el cerrojo. No estás flojo ni aflojado, solo de vueltas pasado. Porque a veces ya no vemos ni lo que hemos recibido. Y'a beaucoup de choses qui s'achètent pas, même si ton compte il est garni. Y'a beaucoup de choses que t'auras pas en fait, car elles ont pas de prix. Aunque la cuenta esté llena, ya te da cosa salir. Si el dinero no te falta, cuida de tu porvenir. Y'a beaucoup de choses qui s'achètent pas, même si ton compte il est garni. Y'a beaucoup de choses que t'auras pas en fait, car elles ont pas de prix. Aunque la cuenta esté llena, ya te da cosa salir. Si el dinero no te falta, cuida de tu porvenir. Si pour toi réussir ta vie, c'est juste de t'enrichir. Crois-moi que t'as un gros souci, tu vas jamais t'en sortir. Tes désirs, tu pourras pas toujours les assouvir. T'en auras, t'en voudras et t'auras jamais le sourire. Y'a bien pire, si tu travailles toute la journée, il faut te dire. Tu vas voir ta vie défiler. Ce temps qui passe avec tes sous, tu pourras jamais le racheter. À quoi ça sert d'être riche si pour tes fils t'es un étranger? Passe du temps avec ta femme et sois pas au travail tout le temps. Avant que ça finisse par un drame, faut pas penser qu'à l'argent. Faut mieux voir grandir tes enfants, faut que vous passiez du temps ensemble. Qui représente pas le papa absent, carte de crédit avec des gens. Si tu crois que pour vivre heureux, faut avoir beaucoup d'argent. Et si t'aimes que ce qu'il y a de coûteux, réfléchis un instant. As-tu vraiment besoin d'argent tout le temps? Faut passer de bons moments. Parfois une promenade dans un parc vaut mieux qu'un grand restaurant. Y'a beaucoup de choses qui s'achètent pas, même si ton compte il est garni. Y'a beaucoup de choses que t'auras pas en fait, car elles ont pas de prix. Aunque la cuenta esté llena, ya te da cosa salir. Si el dinero no te falta, cuida de tu porvenir. Y'a beaucoup de choses qui s'achètent pas, même si ton compte il est garni. Y'a beaucoup de choses que t'auras pas en fait, car elles ont pas de prix. Aunque la cuenta esté llena, ya te da cosa salir. Si el dinero no te falta, cuida de tu porvenir. Y'a beaucoup de choses qui s'achètent pas, même si ton compte il est garni. Y'a beaucoup de choses que t'auras pas en fait, car elles ont pas de prix. Aunque la cuenta esté llena, ya te da cosa salir. Si el dinero no te falta, cuida de tu porvenir.